Toujours à l'occasion de la journée du soleil, Jude Barazan, secrétaire du comité central du bloc en avant de toute l'Inde, Marwan Soudahou, président du comité préparatoire jordanien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Bektoussan 2017, ont publié les communications. Et Ali Garzouli, écrivain et journaliste algérien, a publié un écrit pour exalter les exploits immortels du président Kim Il-sung pour la révolution coréenne et mondiale.